jeunesse. Moi accepté que son jeunesse. Moi c'est un oiseau capé volé. Un jour ma joie, un proche pour me poser. Et je lui dis, yo dis son jeunesse. Moi accepté que son jeunesse. Moi c'est un oiseau capé volé. Un jour ma joie, un proche pour me poser. Est une frère, est une frère, il m'a donné, il m'a donné, est une frère, est une frère. Mwen gen apil, moun kem bay riches. Men se sak fè, yo servi medres. Es yo livre da, ti wim son jenès. Mwen son jenès, ki kon fè kares. Mwen gen apil, moun kem bay riches. Men se sak fè, yo servi medre. Es une frère, es une frère. Il m'a donné, il m'a donné. Oh.